是一幅的错，一世是一幅的错，是一幅的错，一世是一幅的错。Mon ami, est-ce que tu es là? Mon ami, moi je suis avec toi. Moi j'étais voir Indochine à Lyon. Le batteur, c'est une vraie boîte à rythme, mec. Il y a des synthés partout. Et l'autre, il a une, il doit avoir un clic, j'en sais rien. Mais après, le mec au synthé passe à la guitare. Ils sont tous multitâches. Je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi. Mon ami, je suis là. Avec toi, mon ami, oui, je suis fou de toi. Allez, il fait comme ça tout le temps, comme ça. Jean-Pierre, est-ce que tu veux être le batteur d'Indochine, Jean-Pierre? Allez, Jean-Pierre, 1, 2, 3, 4. Je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi. Je suis fou de toi, oui, je suis fou de toi, mon ami. Bon, je vais y aller. Stop. Stop. Après Indochine et Didier Bourdon. Parce que j'avais pas ton texte.